15-28, activation orale, O. Répondez selon les exemples. Par exemple, vous entendez? 1. Y a-t-il un bureau de poste dans le quartier? Et vous voyez? 0. Alors vous répondez? Non, il n'y en a pas dans le quartier. Ou bien alors vous entendez? 2. Il reste des boules de gomme? Et vous voyez? Beaucoup. Alors vous répondez? Oui, il en reste beaucoup. 3. Y a-t-il un bon hôtel dans le quartier? Non, il n'y en a pas dans le quartier. 4. Y a-t-il des manifestants dans la rue? Oui, il y en a une centaine. 5. Combien de bancs y a-t-il dans le jardin du Luxembourg? Pouh, il y en a beaucoup. 6. Combien est-ce qu'il y a de cinéma dans le quartier? Il y en a 4. 7. Y a-t-il une boîte aux lettres dans cette rue? Oui, il y en a une. 8. Est-ce qu'il vous reste de l'argent? Il m'en reste un peu. 9. Il reste des timbres? Oui, il en reste une dizaine. 10. Et il vous reste des boules de gomme? Il m'en reste 2 ou 3.